c'est vagabond qui gourmet en bal. C'est vermine qui gourmet en bal. C'est vermine qui gourmet en bal. Nèg qui mange sale qui gourmet en bal. C'est nèg sale qui gourmet en bal. Femme qui perd du nom qui gourmet en bal. Femme qui perd du nom qui gourmet en bal. C'est nèg pied maillas qui gourmet en bal. Nèg pied maillas qui gourmet en bal. Femme sans vergogne qui gourmet en bal. Femme sans vergogne qui gourmet en bal. Vagabond, vagabond, bagoumet. Vagabond, vagabond, bagoumet. Vagabond, vagabond, bagoumet. Vagabond, vagabond, bagoumet. Vagabond, vagabond, bagoumet. C'est fantôme. Vagabond. Kite jazz la jwe, kite jazz la mate. Vagabond, fon bagoumè gen moun de vie kabe danse. Vagabond, se fete nou vin fete. Vagabond bagoumè. Vagabond, sou bagen fam pou danse. Vagabond bagoumè. Vagabond, sou bagen nom pou danse. Vagabond bagoumè. Vagabond, kite jazz la mate. Vous mettez la balle à la bonne encore. Vagabond, vagabond, vagabond, vagabond, vagabond, vagabond,